Bon, numéro 108, s'expliquer ou se justifier. Évidemment, quand on est dans des conversations avec des gens, les gens qui ont du doute ont généralement tendance, quand vous autres vous affirmez avec autorité, ces gens-là ont souvent tendance à vouloir qu'on se justifie par rapport à leur perception qui, dans le doute, les amène tout le temps à questionner, ils se questionnent évidemment, mais ils te questionnent toi parce que tu arrives avec une attitude de certitude. T'sais. Fait que c'est peut-être pas une attitude, la certitude, mais il y en a qui, à cause qu'ils sont convaincus, ça présente comme une attitude. Et puis, les gens cherchent beaucoup, beaucoup votre facteur, votre faille émotionnelle. Peu importe le niveau de réalité ou de vérité que vous êtes capable d'affirmer, ils vont tout le temps essayer de voir dans vos mots, dans votre verbe, un sentiment, une émotion. Un sentiment étant une cumulation d'émotions. Et pouvoir arriver à presque vous culpabiliser de dire les choses d'une certaine façon. Conséquemment, ben, si vous avez la sensibilité de traiter avec l'émotion de l'autre, vous allez chercher à vous expliquer. Donc, une explication, ça se colle à une forme de, je dirais, de respect qu'on a pour l'autre. Et c'est l'attitude, on va dire, intelligente qui vient comme supporter l'échange. Je parle beaucoup, beaucoup d'échanges, moi, quand j'étais avec les gens. Puis, je dis tout le temps, aimez pas les gens, essayez d'échanger avec eux autres. Bon, et le mot aimer, c'est comme tout le temps lié à une sorte de recherche d'une sympathie pour créer une sorte de promiscuité, une forme d'intimité dans le langage. Généralement, les gens, ils font ça pour se faire aimer. Ils font ça pour démontrer à l'autre une sympathie vers l'autre, pour que, sachant que l'autre veut se faire aimer, qu'il démontre que, bon, tu vois, je t'aime, là. T'sais. Puis, si je me rapproche de toi, si je me confie à toi, c'est parce que je te fais confiance. Bon, ça, c'est tricky parce que c'est pas toujours reçu. Et là, le phénomène de s'expliquer ou se justifier vient justement dans la réception. C'est comment les êtres vous reçoivent quand vous parlez. C'est comment les gens vont essayer de comprendre, parce qu'il y en a qui cherchent pas à comprendre, ils cherchent juste à avoir le rapport affectif avec vous. Et puis parler, ça devient prétexte. Okay? Donc, si vous êtes avec un individu ou avec une femme ou un homme, avec une femme et un homme, c'est encore plus évident. Ça. La femme est bien forte là-dedans. Elle amène le gars à justifier, justifier, justifier pour le ramener à un niveau de proximité vers elle qui va lui donner l'attention voulue pour pouvoir s'exprimer à travers une sorte de langage presque corporel. Tu sais. Fait que le gars, il s'explique, s'explique, s'explique, puis Chris, ça pogne pas le fond. C'est comme un enfant qui dit tout le temps « oui, mais, oui, mais, oui, mais, non, oui, mais, tu sais. » Fait que là, tu n'aurais pas passé un dictionnaire que c'est pas l'objectif où tu le pognes tout de suite. Est-ce que l'objectif, c'est que la personne a de l'attention? Est-ce qu'elle a vu de l'attention? Parce que là, si elle te pogne dans le jeu de t'expliquer, elle va aller chercher un certain niveau d'attention. Puis si elle réussit à te pogner dans les émotions, elle va te faire te justifier pour avoir les mêmes explications, mais sur une base de « oui, tu m'aimes-tu, tu m'aimes-tu? » Tu sais, t'entends, dans la question, tu entends juste « tu m'aimes-tu, tu m'aimes-tu, tu m'aimes-tu? » Tu te rapproches-tu de moi, tu te colles-tu sur moi, tu me serres-tu dans tes bras? Là, tu passes du social au privé, c'est pas trop long. Et puis ça, tu n'es plus capable de t'expliquer puis aller chercher le respect de ce que tu parles. Parce que c'est pas dans. Surtout, toi, t'es pogné souvent avec l'affaire que d'expliquer intelligemment. Alors que ce que l'autre, ce qu'il veut, c'est s'expliquer, que tu t'expliques pour exprimer une affection. Tu m'aimes-tu? Pourquoi tu regardes la TV, là? Tu m'aimes-tu? Tu sais? C'est ça, faut t'entendre, là. Pogne-moi une fesse, s'il vous plaît, là. Tu sais? Tu comprends-tu? Fait que, dans l'évolution du langage, c'est très important de pogner le ton. Et puis c'est ça que je dis souvent, les gens qui sont dans l'émotion, ils ont un regard que vers eux-mêmes, dans le sens qu'ils veulent simplement que tu les regardes. Et si tu pognes pas dans ce jeu-là, tu es obligé d'amener l'autre à un regard sur ce qui se parle, donc sur ce qui se passe, donc sur qu'est-ce qui se dégage. Moi, étant consultant, j'ai souvent à expliquer une situation, et puis surtout avec les étrangers qui me connaissent pas, puis qui prennent pas longtemps à me connaître. il m'emmène souvent dans me justifier dans mon affirmation. Ouais, mais pourquoi tu dis, tu sais, j'en avais une qui dit, je devrais-tu faire ma business chez nous, mais tu m'as déjà dit que c'était pas bon de faire ça chez nous, mais là, je vais perdre mon local, puis si je perds mon local, j'emmène ça chez nous, je vais-tu me mettre les pieds dans la marde? Fait que là, elle me place dans une situation où vous justifiez que je vais dire, t'es mieux de ramener ça chez vous temporairement, le temps que tu trouves un autre local. Ouais, mais je vais-tu perdre ma business? Ben, écoute, reste donc ce que t'es ou, fais donc ça dans la rue, Calis. Tu sais, ça, c'est mon langage à moi, vous me connaissez. Fait que si j'étais prêt à discuter avec la personne, j'y demande de voir clair dans sa question. T'sais, dans sa question, c'est tu peux-tu l'avoir ton local ou en avoir un rapidement? OK, ça c'est clair. Puis si elle me laisse tout le temps dans l'affaire que oui, mais tu m'as dit que c'était pas bon d'avoir une business chez nous, là, tu me demandes de justifier ce que j'ai dit il y a 4, 5 ans, 6 ans, 7 ans avant que tu te partes un local. Moi, je te dis oui, OK, c'est correct, je peux t'expliquer. Puis là, à un moment donné, c'est plus une affaire de comprendre. C'est une affaire, Daniel, j'ai peur. Tu sais, Daniel, j'ai peur, c'est écoute bien, là. Tu voudrais que je te donne des garanties, t'es cancer, tu veux absolument que je te dise que non, il n'y arrivera pas ça, mais je vais acheter un sort sur tout ce qui peut être dangereux, tu vas réduire ton salaire, mais tu vas bien passer ça, puis au lieu d'avoir 30 personnes dans une salle, tu vas avoir 8 personnes dans une cave. Tu sais, c'est comme, viens ici, là, mets ta tête sur mon épaule, on va passer à travers toi et toi. C'est ça que tu veux? T'as un petit sniff, vas-y, tu t'es su sur mon chandail, ça me dérange pas. Il y a des chats qui l'ont déjà fait. Ils ont même déjà pissé dessus. Fait que, c'est de comprendre la game dans la conversation, dans s'expliquer ou justifier. Quand vous tombez dans la justification, là, c'est le combat de tu m'aimes-tu ou tu m'aimes pas. Puis quand vous êtes dans l'explication, c'est que votre registre de conversation est plus mental. Dès que vous tombez dans la justification, vous êtes déjà plus sur le terrain du mental. Parce que là, on vous demande plus de comprendre. On vous demande tu m'aimes-tu. Tu sais, c'est ça. Puis si tu m'aimes pas, je t'aime pas. Puis si je t'aime pas, tu vois ça, on va te faire la guerre. Fait que la guerre étant dans les verbes, dans le verbe, dans le mot, ça devient ouais, c'est ça, là. Tu me parles pareil comme il y a 20 ans, là. Tu te souviens-tu, là, quand ta. Puis les femmes sont spécialistes là-dedans, de te ramener quelque chose qui a été fait il y a 12 ans, qui avait été réglé avec une bague à diamant, puis que là, non, ça compte pas, la bague à diamant. T'in, ta bague à diamant, là. Puis vous discutiez d'aller au restaurant, là, tu sais. Fait que c'est bien important de comprendre cette bascule-là. Bon, si on rentre dans le jeu de la bascule, il y a toujours comme chaque individu a un système de valeurs. Quand on se justifie, on justifie une vérité. Deux vérités partagées, c'est une bonne explication. On s'explique. Tu vas prendre deux témoins de Jéhovah. Ils s'expliquent la religion. Et dans leur explication, ils conviennent du système de valeurs. Donc, un va raffiner la perception de l'autre. L'autre va dire, ah ouais, je comprends, ça a bien du bon sens et je vais commencer à faire ça la semaine prochaine. Bon, fait que quand les deux partagent le même système de valeurs, ça aboutit à une vérité. Et la vérité devient une explication. Donc, ça reste au niveau du mental. Vous savez? Un témoin de Jéhovah qui vient cogner à la porte de Ménard, il va avoir à se justifier. Parce que là, on est dans « je t'aime pas ». OK? Moi, la personne cogne à la porte, j'ai pas son système de valeurs. Je discute pas son système de valeurs. Mais moi, personnellement, ça m'intéresse pas d'être dans une croyance. OK? Donc, en partant, il n'a pas de système de valeurs sur la religion, en ce qui me concerne. Tu pratiques ta religion, mais il faut pas que tu sois intégriste. Donc, on arrive avec quelqu'un qui a un système de valeurs que l'autre partage pas. Là, s'il n'y a pas un système de valeurs partagé, on arrive à quoi? On arrive à traiter avec la réalité. La réalité, pour moi, c'est le juge de toutes les situations. Parce que, mettons que le gars m'arrive, il est avec sa femme. Ça, c'est un cas qui est arrivé à Deux Montagnes, fait vécu. Son fort, c'est fait vécu des cinémas de ce temps-là. Et puis, le gars se présente avec sa femme. Elle dit, on est témoin de Jéhovah. On aimerait ça vouloir vous donner ces petits papiers-là. Je dis, merci, vous pouvez les garder. Tout ce qui rentre dans mes boîtes à lettres, mais souvent, si c'est pas des comptes, je les jette aux poubelles, fait que ça va être la même chose pour vos textes. Il dit, c'est le message de Dieu. J'ai dit, tu veux savoir le mien? J'ai dit, moi, c'est Dieu. Quand Dieu se couche le matin, je me lève, et puis on se passe la chose. Il dit, vous êtes Joker? Non, non, non, je suis réel. J'ai dit, pose-moi n'importe quelle question, je vais te répondre. Fait que là, il me pose une question comme ça, parce qu'il pense que je suis en train de jouer. Puis je donne ma réponse. J'ai dit, c'est bien, hein? Il dit, bon, il dit, c'est du gros bon sens, hein? C'est la réalité, hein? Ben, c'est ça, c'est la vie, c'est ça Dieu, c'est la réalité. La vérité, c'est les hommes qui ont trafiqué la réalité, tu sais. Et là, on part. La vérité, c'est très important de croire à la chose. Pourquoi vous ne croyez pas, vous? Je dis, non, non, je ne crois pas, je suis Dieu. La réalité, moi, je t'aide avec la réalité, tu sais. Il dit, vous ne pouvez pas être Dieu, il n'y en a juste un. Ben, c'est ça, c'est moi. Bonjour, tu sais. C'était possible. Puis là, ça part. J'ai dit, dis-moi donc que tu n'as jamais eu une chicane avec ta femme. Oui, c'est drôle, ça me dit que tu n'as eu au moins 4, 5, 7 semaines. Conflit de perception. Il fallait que tu t'occupes plus des enfants que d'aller commencer à faire du tramway avec les promenades de maison en maison. C'est pas de vos affaires. Non, mais c'est pas de tes affaires de venir me faire croire. C'est très intime, la croyance. On va se mettre égal, mon frère, n'est-ce pas? Et puis, après ça, on verra. Je m'entends pas bien avec ma famille. Moi, mon frère, ça sonne pas bien. Dans ma mémoire de vie, moi, mon frère, c'est pas mal de chicanes. Fait que si je te dis à toi, mon frère, toi, tout le monde s'est dit bon frère dans tes rencontres. En tout cas, tout ça pour en arriver qu'il est reparti faire son petit bonhomme de chemin. Je pense pas que je l'ai ébranlé, mais il a certainement eu une chicane avec sa femme. Elle dit, hey, il te l'a dit, hein? Ça te paraît dans ta face, tu le quittes. Fait que, quand on est à se justifier, ce que je veux mettre ici en relief, faut pas servir à vous faire dominer. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de domination dans le fait d'une agression basée sur la justification. Un témoin de Jéhovah, que ça va se ramasser devant votre porte, il veut vous dominer si vous n'êtes pas dans son système de valeurs, parce qu'il veut vous faire croire à quelque chose. Vous me suivez? Croire, c'est la façon de se faire dominer la plus subtil qu'il n'y a pas. Tu sais, croire un parti politique, croire que Pascal va gagner à la boxe demain ou quoi que ce soit, ça revient tout le temps à croire être une forme de domination. Vous me suivez? Donc, si vous vous dites, moi je vis avec la réalité, vous êtes en général une personne qui vit avec l'explication. Tandis que l'autre qui va vivre avec des notions de vérité, ben, il va toujours obliger son environnement à justifier, puis lui-même va se justifier aux autres. C'est très, très, très subtil, la conversation, au point que ça mêle des concepts, des idées, ça véhicule des mots. Il y a des fois, il y a du monde qui parle avec des mots qui savent même pas qu'est-ce que le mot veut dire. Je pourrais prendre toutes vous autres ici, puis je vous dis sexe. Sexe. Sexe. C'est dit de trois tons différents, avec trois interprétations possiblement différentes, et avec des variations selon votre expérience de vie. OK? La même chose avec d'autres termes. Justice. Justice sociale, justice personnelle, justice de Dieu, justice de quoi que ce soit. C'est toutes des variations dans le mot justice qui peuvent changer votre lecture de ce que vous entendez de quelqu'un. Vous entendez quelqu'un qui dit, hey, il faut être juste dans la vie. Puis un autre qui est extrémiste religieux qui dit, la justice doit s'appliquer dans toute situation. Lui, on le tue, lui, on le tue pas. Qu'est-ce qui est juste? C'est toujours une interprétation. Fait que vous véhiculez beaucoup de mots. Vous n'avez pas besoin de beaucoup de mots dans la main des langues pour faire résonner chez l'individu qui parle la langue une perception qui peut varier à l'infini. Donc, s'expliquer, si c'est strictement intellectuel, ça permet à beaucoup de gens de vouloir vous faire vous justifier dans votre explication. Parce qu'il faut dire, qu'est-ce que tu veux dire par justice? Qu'est-ce que tu veux dire quand tu parles de sexualité? Qu'est-ce que tu veux dire quand... Là, il ne tasse plus dans un terrain où tu t'expliques selon un système de valeurs qui t'est propre. Il t'oblige à aller te justifier devant le cosmos. Et conséquemment, selon ton expérience, qui est généralement tout le temps différente, ou en tout cas, ça a plus de chances d'être différent que d'être pareil, là, à ce moment-là, vous allez avoir des explications qui vont aller que si vous arrivez à une vérité commune, parce que vous partagez des systèmes de valeurs communs, puis si vous n'avez pas de système de valeurs, tu sais, qui est fixe, bien, vous allez avoir une réalité qui va s'enferger dans la réalité de l'autre qui est basée sur sa mémoire. Vous allez dire, moi, ce qui est réel dans ma vie, c'est ce que j'ai vécu. OK, t'as vécu quoi? Ouais, moi, j'ai pas vécu ça. Donc, on peut pas avoir la même réalité, mais on peut s'entendre. Où est-ce qu'on peut s'entendre? La plupart des gens vont s'entendre dans on s'aime bien ou on s'aime pas. Si les deux s'aiment pas ou les deux s'aiment bien, ils arrivent à partager la même état. T'sais, on s'entend pas, c'est partagé, on s'haït conséquemment, on partage le même combat. T'sais, c'est un combat un contre l'autre. Si on s'entend, ben là, on est frères d'armes. On combat le même obstination qu'on peut avoir avec un autre type d'environnement qui ne partage pas ce qu'on vit. C'est ça le conflit des religions. Les religions, c'est de l'abstraction. C'est des systèmes de valeurs qui sont complètement abstraits. Si tu dis à un arabe, écoute, faut que tu respectes ta femme, il dit, je la bats une fois par semaine, n'inquiète-toi pas. Sans vouloir dire, si je la bats, c'est comme ça qu'il faut que ça se passe avec le code musulman. C'est une façon de parler. Mais c'est pas une façon de parler, c'est comme ça que ça se passe. Tandis que c'est pour l'autre qui dit, eh non, c'est l'amener au restaurant, il parle, il écoute, clique. Non, on fait pas ça. Tu vas lui donner de l'autorité. On peut pas donner de l'autorité à une femme. L'autre vous dit, moi, j'aime ça, une femme qui a de l'autorité. Ça m'enlève bien des charges. Il y a un conflit de valeurs. Mais tout le monde est dans sa vérité. Mais dans la réalité, si t'es dans l'armée et que la fille attire aussi bien que toi, elle te protège. À moins qu'elle soit contre toi. Là, à ce moment-là, elle te protège pas. C'est dangereux. Fait que tu montes une femme à tirer la 308, puis les deux tirent la 308, s'en vont en guerre, c'est un ajout. C'est pas une faiblesse. Mais celui qui va traiter ça comme une faiblesse, lui, il perd un atout. Vous me suivez? Fait que tout est relatif dans la communication. Et c'est simplement ceux qui se perçoivent dans la même réalité qui en arrivent éventuellement à s'expliquer clairement. Fait que nous autres, on partage un langage, la plupart des gens ici sont dans la salle, on partage un langage, puis le langage a été éprouvé dans certaines expériences. Et puis si on parle de phénomènes occultes, ben on sait que, on sait peut-être pas, il y a des gens qui vont savoir que le mot occulte, ça veut dire caché à l'œil, occ. Culte, occ étant l'œil, culte étant caché, donc je fais du latin. Et puis, conséquemment, ben, c'est caché. Donc, si tu es dans un processus d'explication, puis qu'il y a du matériel caché à travers le langage, mais ben, quelqu'un qui a la sensibilité que l'on donne généralement aux gens conscients, ben, va être capable de lire autre chose que ce qui se dit, va être capable de dire à l'autre, tu me parles comme ça, mais tu penses ça dans le fond. Vous me suivez? Ça, c'est propre à des gens qui lisent au-delà de la forme. Donc, ils sont capables de lire le message qui est dans la caramel, le qu'est-ce qu'on cache ou le comment ça s'est fait. Ces gens-là ont un avantage, ils ne se justifient jamais. Ils vont toujours parler réellement, donc dans l'explication. Par contre, les gens qu'on côtoie dans la rue, ils ont toujours des messages cachés qui pensent être cachés, et si tu le découvres, ils vont commencer à justifier. Ouais, c'est vrai que je pense ça, mais c'est pas ça que je t'ai dit. Tu sais, c'est ça qui va arriver. Donc, ça veut dire que la personne qui se justifie, c'est une personne qui cache. Tout ce qui est justification, tout ce qui est débat autour de tu me dis pas les choses clairement, ça devient le fait qu'on sent du caché. Sais, tu vois quelqu'un qui t'engueule, puis tu l'arrêtes, mais tu dis, écoute, là, je comprends que tu m'aimes, là. Mais t'es vraiment passionné, là. Relax, là. Calme-toi, là. On va se dire les choses telles qu'elles doivent être dites, mais t'es pas obligé de m'engueuler pour me dire à quel point tu m'aimes. C'est des choses qui peuvent arriver. J'ai déjà arrêté quelqu'un comme ça. Clac! Écoute, là. Wow, relax. T'sais? Puis là, quand ça rentre dans le côté émotionnel, whoop, il est comme prêt à s'expliquer. Parce qu'il y a eu ce qu'il cherchait en primauté. Tu m'aimes-tu? Moi, le gars qui est venu changer mon chauffe-eau, c'était un noir. Québécois, mais il est né au Québec, mais c'est un Haïtien. Son père est Haïtien. Super fin. Mes parents, au moins 15 minutes, ils savaient évidemment que je le regardais comme un noir. Hein? Et puis, il me disait, je suis Québécois, puis tabarnak, hein? Tu sais. Pour lui, c'était la côte québécoise, là. Puis, il arrêtait pas de me dire, bon, papa, moi, j'ai fait ça, puis moi, en tout cas, je suis raciste, parce que les Arabes viennent ici, quand ils sont extrémistes, je suis les premiers à lui dire, là, là. Mais tu sais, il passait son temps à justifier. J'ai dit, écoute, relax, là. J'ai dit, j'ai déjà travaillé à Haïti. Dans quel coin t'étais? Port-au-Prince? L'Abadie? Cap-Haïtien? J'ai dit, ton père est parti dans le temps de quoi? Les tontons Macoutes? Là, oups, je parlais son langage, là, tu sais. relaxé. Il était moins nerveux pour installer les choses. Il a dit, t'es dans ton pays d'origine. Ben, c'est pas mon pays d'origine, je suis au Québec. Ouais, mais ton père, il a dit de parler d'Haïti. T'as-tu connu Duvalier, Aristide, le coup d'État avec Cédras, le kit? Il dit, là, il dit, t'en sais plus que moi. Je dis, c'est moi qui étais ici, là. Fait que la dynamique de l'explication pouvait passer, on pouvait parler de plomberie après qu'il a arrêté de se justifier. Donc, quand il a su que j'étais capable d'établir une connexion avec son affectivité, ses origines. Là, je vais vous poser la question, êtes-vous capable de voir qu'un individu s'explique ou se justifie? Est-ce que vous avez la sensibilité pour capter que tant que vous êtes obligé, vous, de vous justifier, c'est que l'autre il essaie de voir si vous rentrez dans ses patterns ou dans ses systèmes de valeurs. Êtes-vous capable? Si vous n'êtes pas capable, il y a du monde qui vont que faire ça, vous obliger à vous justifier. Parce que ils n'auront pas comme le contrôle de l'ambiance, mais contrôle, pas nécessairement vous contrôler, mais se contrôler dans l'ambiance pour pas perdre le fil, pour pas perdre l'équilibre, pour pas perdre la dynamique d'explication qui va être très mentale, donc conséquemment qui va être plus haut en vibration que leur état personnel. Moi, il y a des fois, je parle à du monde, là, puis quand j'ai fini, là, au bout de 10 minutes, là, même pas 5 minutes, là, ils sont là, puis ils disent, excuse, j'ai rien compris. Ah, m'écoutez avec les émotions, m'écoutez pas avec la tête. Dans une tape sur l'épaule, hey, man, tu comprends pas. Ben, en tout cas, j'essaie, mais je sais pas, je trouve ton langage. Hey, man, viens t'en, je te paye un café. Là, oh, puis commence à comprendre. La même chose, le même discours. Tu parles pas comme ça, t'as l'air, non, je me suis adapté. Comprenez-vous? Il y a des gens qui ne veulent que l'affectivité dans l'échange. Ils parlent, c'est un prétexte pour se faire aimer. Tout le temps! Tout le temps! Il y a des gens, là, je les rencontre au restaurant à tous les jours parce que je mange tout à la même place, ma truite. Et puis, j'étais avec eux autres, là, puis « Monsieur Backgammon! » J'ai jamais joué au backgammon, mais je l'ai entendu parler qu'il était joueur de backgammon. Puis c'est un gars qui pose du gravier sur les maisons, là, tu sais, de la... Ouais, du creepy, c'est ça. J'ai jamais vu le gars travailler. Je l'ai jamais vu jouer au backgammon. Puis j'ai dit, « Quand est-ce que tu commences les tournois? » Il me semble que depuis le temps que t'en parles... Moi, ça fait juste un mois que j'ai entendu parler. « Depuis le temps que t'en parles, merde, tu devais être bon! » Puis là, il part. Puis là, c'est rendu quand j'arrive là-bas, puis je dis, moi, des fois, je me lève, là, c'est genre 3 heures l'après-midi, je m'en vais manger. Là, lui, sa journée a commencé depuis longtemps. D'ailleurs, il a fini. Il arrive au restaurant. « Salut! » C'est pas mon nom, hein? C'est frustrant, là. « Ben, écoute, dis-moi-les. Daniel. » « Ah, ben, écoute, Daniel, ça fait un mois qu'on se parle. « Salut! » Je dis, moi, je l'appelle M. Backgammon, mais je sais pas son nom. Mais il aime ça, le nom Backgammon, tu sais. Parce que c'est son sport, c'est son activité, c'est là où il sent qu'il est intelligent, c'est son diplôme, c'est son doctorat, là, tu sais. Là, il est juste dans une relation, là, où on parle de rien, mais j'ai été posé du creepy sur telle maison, je l'ai poulé, sais-tu quelle couleur que le gars m'a demandé? Vert pâle! Ah ouais, puis t'as installé ça, papa. Puis là, il finit de manger au bout d'une demi-heure, puis il se lève, il dit, en tout cas, j'ai hâte de te revoir. Puis là, il me donne une bonne tape sur l'épaule, mais c'est la grosseur qu'il y a, là, c'est 6 pieds 3, là, c'est, il doit peser 300 livres. Là, c'est, il me tasse dans le fond du chose, puis je reviens, puis, tu sais, je suis quand même 230 à déplacer, là. Lui, là, sa vie, c'est que ça. Hey, salut Dan. C'est Dan, j'ai dit Daniel, puis là, c'est salut Dan. C'est ça que ça se passe. Fait que, tu vois que, dans la tête d'un individu, là, le rapport affectif, pour lui, là, c'est ce qui a manqué. Il n'y a peut-être pas eu de frais, il n'y a peut-être pas eu ci. J'ai pas fouillé son... J'ai pas essayé de l'expliquer. Tout ce que j'ai essayé, c'est d'éviter de me justifier d'être ce que j'étais, là, tu sais. Il m'a même jamais demandé qu'est-ce que tu fais dans la vie. Tout ce qu'il veut savoir, c'est que quand il se rend dans le restaurant, il y a un gars avec qui il peut jaser, puis qu'il l'aime. Parce que pour lui, accepter qu'il vienne s'asseoir... Et puis, prendre le temps de parler avec lui puis de l'écouter, ça, c'est « tu m'aimes ». Vous me suivez? Donc, j'élimine le conflit en éliminant la justification. Là, si un gars va dire « écoute, lui, il est astrologue, il est bon. »« Ah ouais, tu fais ça, tu gagnes ta vie, Chris. » S'il n'y avait pas de Mercedes à la porte, là, j'aurais pu penser que tu travaillais de nuit pour faire des vols de quelque chose. Là. Son raf là-bas, là, tu sais, c'est. Il te force à te justifier brutalement, là, tu sais. Fait que ça devient un tour de force de s'expliquer avec quelqu'un qui est dans l'émotivité. Puis quelqu'un est dans l'émotivité, si t'évites à te justifier, c'est un chum automatique. C'est une recette, vous cherchez des recettes, vous en donnez une là. Vous êtes confronté qu'à du monde. 90%, c'est du monde qui vont vous demander de vous justifier. Parce que tout le monde parle avec du monde. Passez une journée sans dire un mot à personne, vous autres. Mettons qu'une, c'est assez, vous êtes capable, c'est une semaine. Ou plus dur. Il y a des téléphones, hein? S'il n'y a pas de coup de téléphone. Vous êtes obligé de répondre à un moment donné. Puis, vous allez avoir ou à vous expliquer, donc à faire des constats de fait. J'ai 42 bouteilles de quelque chose qui sont à vendre, et puis on les fait en spécial de 30%. Ça, c'est de l'explication, ça. Quand vous êtes informateur, là, vous informez les gens. Bien, quand vous informez les gens, vous les emmenez sur un terrain d'explication. Ils vont vous dire, bon, ben, ça dure combien de temps? Pensez-vous que vous pouvez m'en mettre de côté, tout le kit? Voyez-vous? Ça, c'est de l'explication. Ça, c'est pas. En général, ça ne va pas chercher votre corps émotionnel. Les gens qui ont des activités ou un travail d'information, en général, ils vivent une belle vie parce qu'ils s'expliquent eux autres. Mais là, si l'autre n'est pas content, comme moi, là, la fille, elle va avoir justifié. Elle m'avait installé quatre tables autour d'un carré. J'avais pas une disposition. J'étais avec Claude chercher d'autres chaises parce qu'il y avait juste 11 chaises. Puis j'attendais 15 personnes. Conséquemment, elle va avoir à se justifier. Parce que je paye pour ça, moi, là. Puis c'est payé d'avance, bien souvent. Elle me laisse la facture sur la table. Je ne sais pas croire qu'elle m'ait monté une salle aussi stupidement que ça. Fait qu'elle va devoir se justifier. Puis je vais dire, pour éviter la guerre, je vais dire, écoute, je t'aime bien, là, je t'ai donné un CD sur le signe du cancer que tu as adoré, tu m'as envoyé ça par email, tu m'as réellement touché. Mais ce qui me touche le plus, c'est qu'après t'avoir fait un cadeau de même, j'ai une salle mal montée, je comprends pas. Moi, je t'aime, toi, tu m'aimes pas, qu'est-ce qui se passe, là? Toi, c'est une ambiance bien légère de joke, mais de genre, je voudrais pas être prêt à canceller des contrats parce que ça se reproduit trop régulièrement, là. Faudrait qu'on s'entende là. Qu'on s'explique bien comme il faut, là. À 201 pièces, m'as-tu fait un spécial parce que tu mettais pas de nappe sur les tables ou que pop, pop, pop, pop, tu sais. Ça peut rester sur une base de joke, mais si tu prends ça bien grave, parce que là, t'attendais, là, je sais pas, la réincarnation de Bernard dans ta salle, là, tout d'un coup, là, c'était craqué pas mal, là, tu sais. Fait que, quand t'amènes pas un individu sur le terrain d'une défensive, tu vas le garder ouvert, tu vas pouvoir t'expliquer. Mais il y a personne qui prend une explication quand t'es fermé. Faut que tu l'ouvres avant. Tu veux mettre 25 piastres dans un coffre-fort, tu as la combinaison. Il te faut la combinaison. Conséquemment, quand vous êtes avec du monde qui vous place tout le temps en mode justification, c'est parce que eux autres sont défensifs. Et puis, essayent de voir s'ils peuvent mettre à terre vos défenses. Fait que par conséquent, c'est des gens agressifs. Conséquemment, de l'agressivité, ça veut dire qu'ils veulent être dominants dans l'échange. Ça, quand vous êtes pris avec des vendeurs, en général, ça se passe de même. Vous arrivez chez un vendeur d'automobile. Bonjour, monsieur, vous cherchez quoi? Ben, je cherche dans le magasin à trouver quelque chose qui pourrait ressembler à mes goûts. C'est quoi vos goûts? Laisse-moi me faire le tour, là, puis je vais te dire mes goûts après. Je peux-tu vous accompagner? Vous me donner des suggestions, vous expliquer les choses? J'ai besoin d'avoir la crise de paix. Oups, là, la guerre vient de s'installer. Là, tu te promènes seul, tu reviens, tu dis, ouais, j'aime ça, cette couleur-là. Ouais, mais on a plusieurs de cette couleur-là, plusieurs modèles, plusieurs ci, plusieurs ça. Tu dis, ouais, c'est compliqué, hein. Faudrait que je revienne avec ma femme. Là, si bien agressif, il va dire, attendez, peut-être que ma femme va pouvoir être là, là, elle va parler à votre femme, puis nous autres, on va se parler entre nous deux, puis on, tu sais. Il faut pas que ça rentre dans le détail. Il faut pas que ça reste dans la complexité. Parce que c'est là le terrain de la justification. Gardez ça synthétique. Genre, tu vas voir les autos, tu dis, j'ai un de mes amis qui m'a demandé d'y en trouver un. Ah, ma femme a vu que je prenne la photo de ce qui m'intéresse. Là, ça désamorce un vendeur. Il n'a plus rien à vous vendre. Il est obligé d'attendre parce que là, si tu as pris la photo, il peut pas rentrer en mode agressif. Il peut pas rentrer en mode suggestion. Parce que de la suggestion, c'est un terrain qui vient brouiller l'explication. Si toi, tu viens, tu dis, écoute, le BM, c'est un quel cylindrée, ça, là? Là, il t'explique. OK, merci. Je continue. Parce que là, si il commence à vouloir te faire un profilage, là, un profil de quoi, vous avez combien à dépenser, papa. Là, ça finit plus, là, parce que là, il veut savoir ton pedigree. T'es aussi bien d'aller t'asseoir tout de suite. Écoutez, posez-moi toutes les questions que vous voulez savoir, là, pour pouvoir savoir quel genre de char que j'ai besoin. Et puis, s'il vous plaît, décidez dans ma place, j'ai pas choisi la couleur encore. Vous, votre femme, elle aime quelle couleur? Rose, pompon, on devrait en trouver une même, hein, vous pensez? Tu sais, c'est... Après ça, c'est se justifier. Si tu veux que le gars reste à l'explication, il faut qu'il reste à l'information. Emmenez les gens à vous parler à travers de l'information. Appelez pas les gens dans l'émotion. Appelez-les dans l'information. Tu sais, elle a sa mère. Puis, elle va bien, ta mère? C'est pas, oh, je l'aime, ma mère. Non, non, je t'ai pas demandé ça, là. Je t'ai demandé, elle va-tu bien, ta mère? Tu la laisses pas rentrer dans un terrain qui va emmener la justification. Si tu rentres dans la justification, tu rentres dans la thérapie. Si tu rentres dans la thérapie, tu rentres dans le privé de la personne. Si tu restes en surface, parce que tu as une relation de surface avec la personne, genre Nathalie parle à Alexine, elle va bien ta mère. Alexine, tout ce qu'elle a à répondre, elle se tient bien. Elle devrait faire le prochain mois, la prochaine semaine. Tu sais. Comprends-tu? Là, tu restes dans l'explication. Sans ça, tu rentres dans des conversations hostiques. Je pense à Claire qu'il y a des artistes là, que ça veut se plaindre tout le temps. Explique-moi ta vie, là. Moi, je travaille avec qu'est-ce que tu peux. C'est quoi ton horaire? T'es disponible pour quand? Quand est-ce que tu vas avoir la grippe? Tu sais-tu si au mois de mars ou au mois d'avril tu vas avoir la grippe? Parce que là, je pourrais pas te mettre sur un show. Faut pas que ça rentre sur une base ou l'autre. Faut être obligé de se justifier. Puis encore moins que toi, tu sois obligé de te justifier. C'est non productif. Par contre, si vous voulez faire de la thérapie, forcez la justification parce que vous allez vous en taper. Moi, les gens qui viennent en consultation, c'est pour justifier et ils rentrent avec un profil de justification et puis ils veulent sortir avec un profil d'explication. Donc, c'est mon travail de ramener l'âme au mental. Mais ça, c'est une job. Faut que vous soyez payé pour ça. Faut que les gens comprennent que s'ils sont dans un processus affectif de « tu m'aimes, tu m'aimes pas », OK, et vice-versa, il n'y a pas d'explication possible. Ça va être extrêmement coloré. Ça va être très... Il y a beaucoup de recherches de valeur là-dedans. D'avoir de la valeur, de se faire dire qu'on a de la valeur. Puis c'est beaucoup un travail de glorification occultée là, qui se présente dans le rapport justifié à l'explication. L'explication, il faut qu'elle aboutisse à de la réalité et non pas à des systèmes de valeur où il y a des vérités toutes faites là-dedans. Allez-y donc des questions. Deux, trois. Hein. Est-ce que tu te justifies nécessairement quand tu parles dans le « je » ? Quand tu es dans le « je », c'est un processus réflectif. Puis le processus réflectif, c'est comme un volcan. Ça mêle bien des métaux dans sa fusion. Il y a beaucoup de... Le feu, c'est passion. Le froid, c'est mental. Quand tu penses parler avec quelqu'un, puis que tu es dans le jeu, tu peux avoir un jeu qui présente un fort, OK? Puis tu peux avoir un jeu, parce qu'il y a de la mémoire là-dedans, puis tu peux avoir un jeu qui recherche une perception de soi. Parce que dans le jeu, automatiquement, tu t'inclus dans la dynamique de l'échange. Fait que dans le jeu, tout de suite en partant, c'est comme si tu projetais quelque chose, puis le jeu, lui, il le ramène. C'est comme un crochet, c'est comme un hameçon, tu sais. Fait que le jeu, il veut ramener à soi. Il te parle de quelque chose, puis quand tu vois qu'il y a ton intérêt, il cherche à ce que tu le regardes, à ce que tu l'apprécies. Il fait ça. Ça le désamorce. Parce que lui, il garde le focus sur le fait que tu regardes la peau, que tu ne regardes pas le bout de la ligne. Mais s'il voit le bout de la ligne, il ne mordra pas. Fait que dans le jeu, oui, il se passe beaucoup de matériel à caractère émotionnel, la vérité, les valeurs. Puis ça force à se justifier. Moi, j'ai gagné ma vie à me justifier, à parler d'occulte à des gens que eux autres, le jeu, c'était la mer à boire. Le raisonnement, c'était la mer à boire. Puis j'ai amené les gens dans un terrain où c'était eux autres, mais dans le sens occulte, dans le sens de l'aspect psychique de leur être qui avait autorité sur la matière. Eux autres partaient du principe, donc dans des systèmes de valeurs qui justifiaient d'être en valeur pour avoir de l'autorité. Moi, je dis non, tu n'as pas besoin d'être quelque chose de personnalité pour être quelqu'un qui est divin. OK? Donc, tu pars de ta source et ta source fait ce qu'il y a à faire. Non, faut que j'étudie pour être capable de faire ça. Faut que je sois logique, faut que je sois rationnel, faut que. Et il faut que j'ai une réputation, donc faut que tu m'aimes. Si tu m'aimes, tu vas favoriser ma réputation. Comme ça que ça se passe, le jeu. Donc, l'être qui justifie est nécessairement dans le jeu. Celui qui s'explique, qui est fréquemment dehors du jeu. Si moi je t'explique un appareil photo, je suis pas dans moi, là. Je suis dans qu'est-ce que l'expérience de photographie va faire. Mais là, dès que je commence à dire, ben moi, avec cette caméra-là, j'ai fait des belles photos, viens moi te les montrer, ça tombe dans le jeu. Et dans le facteur émotionnel. Fait que, il y a pas d'ego dans l'explication, mais il y a de la réflexion dans l'expérience que tu colles avec. C'est sûr, si je te parle de mes chats, je suis dans la réflexion. Mais si je te parle de mes chats dans une conférence, il y a plutôt un principe que je veux dégager. Mais si je t'en parle en dehors d'une conférence, il y a des grosses chances que je sois dans le jeu. Mais dans une conférence, c'est pour faire sortir un principe. Donc, je suis pas dans le jeu. Je m'en sers pour expliquer les choses. Puis comme j'ai pas une vie très vaste et très riche, ben, je me sers de ce que je fais dans ma pauvreté pour rendre ça très riche dans la conversation. OK. Tu as répondu à ta question? Oui. Une autre question? La personne qui s'explique, il s'explique à part de quoi? Ben, à part de ce qui est le sujet entre les deux personnes. De qu'est-ce qu'elle connaît, hein? Non, mais à part d'un sujet qui est discuté entre les deux personnes. Okay. Explique-moi donc, explique, t'es pas sur le contact à 100%, hein? Non. OK. Fait qu'explique-moi donc les vies d'un jaguar en Afrique. La vie d'un jaguar en Afrique. La vie, tu sais, la vie, là. La vie privée d'un jaguar en Afrique. Oui. Non, je te pose la question, là. Ben, il vit, c'est un animal sauvage, il vit dans la jungle. Il sort la nuit pour aller chasser. C'est sommaire, hein? C'est très sommaire. C'est ce que tu as vu à TV? Oui. Fait que tu me ramènes, qu'est-ce que tu peux me rapporter de ce que tu as déjà entendu? Donc, c'est ta mémoire qui me parle. Oui. C'est ça. Tandis que quelqu'un qui est sur le contact, comment tu penses qu'il peut parler des jaguars? Ben, il peut en parler des mouvements. Oui, c'est ça. Donc, tant que vous référez à de la mémoire, vous allez pouvoir informer l'autre ou expliquer à l'autre ce que vous avez emmagasiné. On appelle ça de la connaissance. Ouais. Se justifier, c'est prendre cette même connaissance-là et de vouloir la magnifier, là, la rendre plus importante pour ta personne, pour que l'autre te regarde avec « Wow! » Expliquer, c'est juste l'information. Oui, c'est juste l'information. C'est-à-dire, c'est ça. L'autre peut vouloir le justifier parce qu'il n'est pas dans le même système de valeurs, mais c'est plate à chercher à quelqu'un qui s'explique. C'est plate d'essayer de voir s'il t'aime dans son explication, parce que c'est neutre. Ouais. C'est neutre, l'explication. C'est-à-dire, il y a du un jaguar, c'est en Afrique, ça chasse la nuit, puis papa. OK, bon, correct. Ça fait quoi dans ma vie? Ben, ça dépend qu'est-ce que tu veux savoir, c'est jaguar, tu sais. Puis si t'en veux plus, ben, viens-t'en, on va aller lire un livre. C'est toujours neutre. Tandis que dans la justification, il y a une recherche de l'affection. T'as vu, j'ai pris les mêmes informations que t'avais, puis j'ai commencé à jouer avec le sensationnel là-dedans. Bon, ben, ça, les gens qui t'emmènent sur le terrain de la justification, c'est ça qu'ils veulent voir apparaître, le show. Le spectacle, l'affection. Réponds-tu à ta question? Est-ce que se justifier veut amener l'autre à nous croire? C'est vouloir amener l'autre dans ton système de valeurs. Ça veut dire croire. Ça peut être croire si le gars n'a pas vécu. Tu sais, tu as commencé à dire que tu as fait un voyage en Afrique pour aller voir si vraiment les jaguars chassaient la nuit. Moi, j'ai pas l'intention d'aller en Afrique. Fait que c'est évidemment, tu vas pousser fort pour me faire voir que tu as fait l'expérience, tu as senti ça, puis que pas croire à ce que je te dis, c'est vouloir me rejeter. Okay. Tu vas dire, écoute, crois-moi, là, moi j'y étais, là, c'est vrai, là. Crois-moi, je l'ai vécu. Si tu me crois pas, c'est parce que tu m'aimes pas. Là, je pousse l'affaire à l'extrême, là, tu m'aimes pas, là. Puis moi, je te relance, je dis, c'est quoi t'aimer? Si tu t'aimes, si je crois à tout ce que tu me dis, à Chris, on va se marier. Tu sais, tu joues la game de celui qui t'emmène à justifier, là. Écoute, n'importe quoi, ça peut te faire plaisir. Tu sais? Ça n'a pas de fond. Ça dépend comment tu sais jouer avec les mots, avec ce qui se dit, l'underground de la conversation. Toute la game est là. Pourquoi qu'on sent, des fois, qu'on a besoin, justement, de justifier? Quand on justifie, c'est toujours la justification basée sur l'émotivité. Tout le temps. La justification est toujours basée sur le sentiment et l'émotion. Ouais, tu veux te faire aimer, tu as absolument besoin de plaire, tout est dans l'esthétique, c'est normal dans un sens, mais c'est anormal pour ta vie personnelle parce que Christ, ça draine en maudit l'émotion. C'est du papier sablé sur le corps humain, ça, là. Donc, tu veux toi être doux, mais tu sais, doux. Jamais signaler que tu es capable de te combattre, c'est pas bon, ça, là. Quand tu prends des coups, tu durcis. T'adoucis pas, tu durcis. Il faut qu'il y ait un mélange des deux. Doux-dur. Mais y aurait-tu la culpabilité par rapport à ça? Où tu peux mettre la culpabilité là-dedans? Hein? Quand tu te justifies ou tu veux t'expliquer. C'est l'autre qui veut que tu te sentes coupable. Ouais, celui qui t'oblige à te justifier. Ouais, il peut jouer cette carte-là. Ouais, c'est ça. Oui, effectivement, les gens peuvent jouer pour obliger l'autre à justifier. Ils peuvent facilement le placer dans un bain de mémoire où il y a un jeu de culpabilité. Tu sais, pas de mémoire, pas de culpabilité en passant. Hein. Si tu as une cape sur la gueule, tu n'en souviens pas, tu ne diras jamais je t'ai frappé. Oui, effectivement, les gens peuvent jouer pour obliger l'autre à justifier. Ils peuvent facilement le placer dans un bain de mémoire où il y a un jeu de culpabilité. Tu sais, pas de mémoire, pas de culpabilité en passant. Hein? Si tu as une cape sur la gueule, tu n'en souviens pas, tu ne diras jamais je t'ai frappé. Non, mais c'est expliqué, là, c'est justifié. S'expliquer, c'est neutre. Se justifier, il y a un combat qui s'installe. Ça veut dire que quand tu t'expliques, ça veut dire que tu sors de l'émotion. C'est dans n'importe quel conflit que tu parles avec une personne. Quand tu t'expliques, il n'y a pas d'émotion. C'est de l'information. Se justifier, quand tu es rendu à te justifier, là, c'est parce qu'il y a quelqu'un qui t'a tapé dans le corps émotionnel. Là, tu es capable d'aller au niveau mental. Ouais, ça dépend de l'individu, là. Tu sais, un individu qui reste au niveau de la justification, il est pris dans un combat émotionnel. Si tu ne règles pas le combat émotionnel, avant d'arriver à l'explication formelle, tu ne pourras jamais passer l'information, parce que peu importe l'information, l'autre ne t'écoutera pas, parce qu'il va être dans le jeu de l'émotivité. Okay. La diplomatie est toute là-dedans, de se dégager de l'émotion pour arriver à l'explication. C'est ça. On va dire qu'un bon diplomate ne se fait jamais prendre dans des jeux de passion ou dans des jeux d'affectivité, qui va compromettre l'explication, qui va altérer l'explication. T'sais. Les intégristes, ils regardent, là, ils ont tous les yeux exorbités, puis ils gueulent, là, ça crie fort, le kit, là. Il n'y a pas d'équilibre là-dedans. Là. Est-ce que tu dirais que, c'est afin d'arriver à un terrain que la personne comprend pourquoi, mettons, tu mets de l'espace, tu lui expliques pourquoi. Pas ça qu'elle veut. Tu laisses ça mort. La personne qui te force à la justification, elle veut que tu l'aimes. Elle veut pas comprendre, là. Elle veut que tu l'aimes. Vous soyez capable de jouer avec les personnages. C'est du acting. Soyez vite. Dans quelle petite pièce de théâtre que je suis, là. Puis tu sais que t'as même pas le droit d'y penser. Mais il faut que ça soit instantané, le mouvement. Là. Êtes-vous vite? Des fois oui, des fois non. Le non, c'est parce que vous réfléchissez. Ouais. Moi, je ne pense pas. 24 heures sur 24. La souffrance que vous pouvez avoir avec une conversation, regardez ça comme le fait qu'un jour, il va comprendre, puis que ça va être comme l'eau chaude qui revient 8 mois plus tard. Mm-hmm. Ou bien vous allez avoir acheté une autre maison avec l'eau chaude intégrée. Mm-hmm. Donc, vous allez l'avoir flushée. Faites souffrir la souffrance. Quelqu'un qui veut rentrer dans la justification, là, mettez-en. Elle n'est pas sa réalité. Mettez, c'est un spectacle qu'il veut avoir sur sa personne. Regarde, c'est parce que je pense à ça. Ça veut dire que quelqu'un qui est en situation de justification, tu te justifies indéfiniment, tu n'essaies pas de l'amener. Là, l'explication. Ouais. C'est pas ça qu'il cherche. Il n'est pas dans le mot, il est dans l'état. Il est dans un état. Il faut que tu règles le caractère émotionnel avant. C'est toujours d'enchaîner. Tu enchaînes sur ce que l'autre dit et selon ce qu'il est. C'est la grosse affaire dans votre affaire, c'est que si vous êtes dans l'émotion, vous ne pourrez pas faire ça. Ça demande d'être sensible à l'autre. Sensible à l'autre, c'est pas penser à soi. C'est penser à ce que l'autre vibre. Mais si vous êtes dans l'émotion, c'est parce que vous pensez à vous autres. Là, à ce moment-là, vous êtes dans le champ. Capacité d'enchaînement. Pratiquez-vous avec des mises en scène. Ça vous arrive pas de brailler de temps en temps? Oui. Bon, ben quand vous braillez, vous avez une demande du cosmos à vous justifier. Fait que là, c'est là qu'il faut que vous ayez des parades. Quand vous braillez, là, vous vous plaignez. Dans le fond, vous vous plaignez. Fait que c'est comme on demande à Dieu pourquoi ça nous arrive, hein, tu sais. Il y a trop comme pourquoi ça m'arrive à moi, là, tu sais, genre. Puis, pourquoi pas? Là, tu rentres dans le jeu du pourquoi pas. Ah, vous voulez me faire manquer d'eau? T'sais, là, OK, on va manquer d'eau. 8 mois, c'ti. Quand il revient, l'eau est sacrément. Merci Dieu. Mais moi, j'appelle ça faire souffrir la souffrance. Moi, quelqu'un qui me met dans la merde avec les mots, la parole, c'est juste avec les policiers. J'ai déjà poussé loin avec un policier. Un moment donné, il y avait la main sur le gun, c'ti, c'était débile. C'est tout une affaire, c'est une capacité d'enchaînement. Il y a une vitesse là-dedans. Pour ne pas être dans le jeu, il faut avoir de la vitesse. L'explication, quand tu es dans un univers de justification, tu ne peux pas t'expliquer. Cherche pas à t'expliquer, tu perds ton temps. C'est comme se justifier, dans le fond, c'est l'arrêt de l'échange, ouais, avec ce qui se produit. Ouais. Parce que si tu t'expliques, c'est comme si l'échange continue. Ouais. C'est dans n'importe quelle direction, mais l'échange continue. Ouais. Il faut que tu neutralises l'émotivité avant. Mais dans la justification, il y a toujours un tombeau. Oui. Oui, c'est émotif. Regarde-toi avec ton moineau de colonel. Il ne veut pas avoir une explication de ce que tu vis. Il veut que tu l'aimes. Fait qu'il te force à justifier tout le temps. Tout le temps. Je peux donner des cadeaux. Ah, moi, je vais te donner tes cadeaux. Je pense, justement, j'avais mis ça sur le bord de la table pour les jeter cette semaine. Le 50 000. J'avais atteint tout quand j'ai décidé de vivre avec toi. C'était quoi cette affaire-là? Mais raconte-moi là comment ça s'est passé. J'ai fait des erreurs dans ma vie, mais une comme ça, là, je devais être stone, je devais avoir bu de quoi, ou je devais fumer de quoi. Là. Tu ne joues pas dans le jeu de l'explication. Il n'y a rien de raisonnable là, dans un processus de justification. Soyez aussi fou que l'autre. Qu'est-ce qui fait que des fois, tu peux exploser, puis des fois, tu... Bon, on me demande trop de justification. Okay. Moi, je veux pas vivre mes relations. Moi, c'est une base émotionnelle. Je vais vivre au niveau d'une sensibilité. Je suis extrêmement sensible. Je vais avoir quelqu'un qui est avec moi par sensibilité, pas par émotivité. Tandis que la sensibilité, la personne dit « Ah, excuse-moi, là, j'ai fait une erreur. Je corrige ça dans l'instant. » Ah, ça, c'est pas pire. Mais je veux pas des affaires, tu sais. Comme les femmes sont pires que des alcooliques. « Ah, je te dis, chérie, c'est la dernière fois que je bois de même. Là. C'est un record. » Puis l'autre, elle est en vac là-dedans. Puis elle m'en a se fait battre. Puis, excuse-moi, chérie, c'est parce que j'ai arrêté l'alcool que je suis rendu agressif. Ah oui, oui. C'est parce que si tu n'arrêtes pas le train, il va toujours marcher. Comprends-tu? Que vous vous mariez par émotion, puis vous divorcez par explication. Ah, alors ça refroidit en cours de route. C'est ça. Question? Vous êtes vidé? Vous n'avez plus besoin d'explication, là? Ce qui veut dire que les émotions mal gérées... Ah, l'émotion, c'est de la malgestion. La seule chose que vous devez comprendre, c'est que les émotions doivent devenir de la sensibilité. Une capacité de capter. Une capacité de capter le développement de quelqu'un, une capacité de capter. C'est capter. Pour moi, la sensibilité, ça égale extrême capacité de capter. Je pense que tu ne pourras jamais être sur le contact avec l'émotion. Jamais, jamais, jamais, jamais. Moi, quand j'ai des émotions pour mes chats, ça stalle bien net. Il faudrait que j'aie quelqu'un totalement froid là, qui puisse me dire comment ça se passe. Là, je suis plus froid qu'avant. Là. Mais émotion, moi, pour moi, égale faiblesse. Sensibilité égale puissance. Fait que c'est une transmutation du corps émotionnel en sensibilité. Fait que c'est quoi la sensibilité avec les chats? Ben, je suis pas rendu là encore. Mais être sensible avec des chats, pour moi, ça serait savoir ce qu'ils vivent, ce qu'ils sentent. Là, comme j'ai une femelle qui est en chaleur, mais hostie qui est agaspissette. Avec les mâles, elle les rend fous littéralement. Là, ils se battent pour l'avoir, puis c'est ça qu'elle veut, puis en tout cas, tout le kit. Une vraie femelle, là, tu sais, une femelle femelle. Mais elle, je la laisse se faire botter le cul parce que il n'y a rien à faire, elle court après le trouble. Tandis qu'une femelle là, qui en a réellement plein de bol, moi je la rentre dans ma chambre, puis elle veut rester là forever. Fait que c'est de la sensibilité qui te fait reconnaître l'état de l'animal. Tu peux pas dire, ah, les chats, c'est de même. Non, non, non, non, non, ça marche pas comme ça. Il y a des chats qu'eux autres, c'est plus... une équipe de football, c'est pas assez, là, tu sais. Il y en a d'autres qui veulent un partenaire, là, puis t'as-tu dans la salle, tu sais. Ma chatte grise, Lady, là, elle, c'est un, c'est le gros Tom, pas le gros Tom, le gros Jean. Puis le gros Jean, ça, c'est son chat. Puis toutes les autres, elle les graphigne. Elle servir de bord, puis elle les graphigne les quatre pattes en dessous, là. Quand un chat vient de se faire pogner à la pine par un coup de griffe, là, je te dis qu'il il est tranquille pour 3 jours, ça, c'est quand même... c'est comme ça, c'est de la sensibilité. C'est une capacité de lire. C'est ça, la sensibilité. C'est pas une affaire d'émotion. L'émotion, ça tourne tout le temps dans le jeu. C'est je. C'est un insécure, quelqu'un qui n'a pas d'identité, qui a besoin qu'on l'aime. Mais là, t'aimes quoi? Qu'est-ce que tu veux aimer dans quelqu'un? C'est, quelqu'un veut du développement dans la vie. C'est la seule chose qu'il cherche dans la vie, c'est de se développer. Il peut avoir des doses intensives d'émotions. Quand on va y retirer ça, il va être dans la marde. Là, je suis en train de rendre indépendant affectif là, un petit mâle là, que je peux pas mettre dans l'eau parce qu'il est trop petit. Fait que là, les autres chats jouent avec lui comme si c'était une balle de laine. Fait que je le garde avec moi. Quand je suis parti comme ça, je le garde dans la chambre pour qu'il se fasse rider, tu sais. Mais là, quand il me voit, là, il me grimpe sur le corps. Là. Je suis debout des fois, là, puis il me grimpe sur le corps, là, puis il monte jusqu'à mon épaule. Puis quand il essaye, des fois, il monte ça à la tête. Il essaie de se tenir en équilibre là-dessus. Écoute bien. Là. Ouais, c'est cute, là, mais tu sais, je veux dire... C'est... Ouais, c'est parce que s'il tombe, là, puis qu'il garde les griffes ouvertes, puis il se ramasse à du chaud, ils vont me faire greffiner les yeux. Il faut toujours me protéger les yeux avec les bébés chats, c'est pire. Parce qu'ils n'ont pas encore le contrôle de les griffes. Mais ça demande la sensibilité. Si t'es dans l'émotion, puis après ça, tu te fais crever un œil. Ouais. Il n'y a pas de... Moi, je reste tout le temps froid mentalement, là. Mais je suis sensible à qu'est-ce qu'il vit, tu sais. OK. Mais la sensibilité, c'est une... C'est une émotion organisée. Ton chum qui veut te faire l'amour, absolument, c'est de l'émotion désorganisée. Fait que ça, c'est de l'émotion. Mais quand c'est de l'émotion organisée, c'est de la sensibilité. Tu as une sensibilité à l'autre. Il y a des choses que tu dis pas, que tu dis pas que tu penses, mais que tu dis pas parce que tu es sensible. Puis tu veux protéger la sensibilité de l'autre. Puis si l'autre devient sensible, tu peux lui dire tout ce que tu as dit, mais comme il est sensible, il ne prend pas ça émotionnellement. La voyez-vous la nuance? Parce que si je suis seul à avoir, je suis dans la merde. On va être obligé de me justifier. Parce qu'il s'en va. Moi, je pourrais être avec la dernière femme que j'ai vue là, qui m'a carrément assommé. Là, c'est dans le film de Les Loups de Wall Street, là, la blonde, là, l'Australienne, tu me dis que. En tout cas, c'est la suite de Sharon Stone que déjà j'aimais beaucoup. Et puis, Elle, elle me fait manquer de souffle encore. C'est un beau gros chat, ça, dans le puma, là, pas mal. Mais encore là, je sais pas combien de temps. Une semaine, deux jours, trois jours. Je reviendrai vite à de la sensibilité. Tu sais, si elle me dirait, Daniel, je t'aime bien, là, mais il faut que je m'occupe de ma carrière. Oui, chérie. Anytime. Tu peux partir pendant 2 ans, si ça te tente, je vais t'attendre. Tu comprends ça? Puis entre-temps, si tu as des montées de libido, gêne-toi pas. Moi, je m'occupe plus de la tête que du corps. Donc, mais fais trop pas trop maganer, quand même. Mm-hmm. Tu comprends ce que je veux dire? C'est de la sensibilité. C'est pas du je, de la possession, du contrôle, de la conquête, des affaires de même. Quand tu es sensible, tu es libre. Quand tu es émotif, tu es pogné. Tu es pogné par tes émotions, puis tu es pogné par les émotions de l'autre. Qui t'aillit ou qui t'aime, un ou l'autre. Mais si toi, t'es sensible, puis qu'elle a je sais que si je veux pas me baigner dans une mer debout, il faut pas que je sois avec un individu qui est trop dans l'amour, parce qu'il va m'entraîner dans un processus d'enchaîne. Il va m'enchaîner. Et je me laisse pas enchaîner, parce que justement, je suis sensible. La sensibilité, ça a besoin de beaucoup d'espace. L'émotion, ça a besoin d'être confiné. Il vit sa vie dans une prison. Il vit dans une vie où il emprisonne l'autre. Et c'est ce qui fait que je déteste les émotions. Je sens tout le temps, là. Tu sais, dans mon CD, ça bousse l'arbre qui sort de terre et qui a l'air d'une main là, à sécher. Là. Je vois ça de même. Tu sais, c'est un être émotif en dessous. Là. OK. Ouais. Très dangereux, les émotions. C'est pas gagnant. Plus de questions? Est-ce que la justification, c'est les émotions, mettons que tu cherches à te justifier avec quelqu'un, est-ce que ça draine plus d'énergie? L'énergie, il y en a. Il n'y a jamais d'arrêt à l'énergie. Je l'ai déjà dit, probablement que tu n'écoutais pas cette journée-là. Il y a toujours de l'énergie. Il y a juste des blocages d'énergie. Tu es bloqué, mais tu n'es pas en perte d'énergie. Tu es en blocage d'énergie. Moi, si je dis que je manque d'énergie, c'est parce que je pense à quelque chose qui bloque mes énergies. Je débloque mes énergies, j'ai de l'énergie tant que j'en veux. Il manquera jamais d'énergie sur la planète. Il va juste avoir des blocages d'énergie. Manquer de gaz, là, dans une auto, ça ne détruit pas l'auto. Non, non. Ça fait juste manquer de gaz. Mais parce que je me disais, si une personne cherche tout le temps, elle ne peut pas justifier. Oui, bien ça, c'est. Sois assez intelligente pour pas rester sur le bombardement. Là. Moi, c'est ça que j'appelle faire souffrir la souffrance. Moi, si quelqu'un m'obligerait à me justifier tout le temps, je te dis que on jouerait. Okay. On jouerait. Mais c'est lui qui serait perdant, ça c'est clair. Mais si maintenant tu expliques de quoi à quelqu'un qui veut que tu te justifies. Tu fais juste dire de quoi. Puis cette personne-là, elle ne prend pas parce qu'elle accepte. Ce qu'elle veut, c'est que tu l'aimes. Ben, pas ton temps, là. C'est pas une explication qu'elle veut. Elle veut que tu ailles dans son sens, dans l'amour que tu as pour elle. Mais moi, comme j'ai pas la psychologie des témoins de Jéhovah, là, t'es pas sensible à mes besoins, toi, là. Oublie ça, là, blasté bien net. Ah. La guerre, vous connaissez pas la puissance de la guerre. Je vous dis pas qu'il faut faire la guerre, je vous dis qu'il faut que vous soyez prêts à la faire, c'est pas pareil. Parce que les gens sont pas rendus au stage d'être humain avec les autres. C'est encore des animaux. Les animaux, ça va être propriétaire d'un territoire. Ça inclut ton territoire mental. Ton territoire mental, c'est quoi l'enjeu? C'est ton centre décisionnel. Ils veulent que ta décision de vie, de ce que tu fais, aille dans le même sens que ce qu'ils veulent. Ils veulent quelque chose, puis toi, tu dois vouloir la même chose pour donner de l'amplitude à leur volonté. Alice. Moi, la qualité de lecture que j'ai dans tout ce que je fais comme travail, n'importe quoi, c'est basé sur ma sensibilité et l'épuration de l'émotivité. qu'à ce moment-là, elle ne peut pas s'expliquer, elle ne peut pas se justifier, elle peut juste... Non, parce que l'autre, il l'oblige à se justifier. Ça exige le combat, ça. Puis elle a peur de se battre. Bah, bah, bah. Elle vient me voir, elle me donne un petit peu de gaz. Je donne deux, trois charges explosives. Je dis, va mettre ça dans sa cour. Le respect dans tout ça, c'est que tu as marqué, c'est quand tu t'expliques Ben, t'expliquer, c'est comme je t'ai dit, c'est de l'information que tu donnes. Mettons que toi, tu donnes l'information à l'autre. Écoute, là, moi, j'ai pas le goût de te voir mourir. C'est tout. That's it. Il respecte ça. On revient violent. Ben, on devient violent parce que c'est toujours la justification, tout le temps, tout le temps. Faut que tu justifies ton droit d'être. Écoute bien, là. En tout cas.